Mais rien n'y fait. Ils y rencontrent nous, en compagnie de Mademoiselle Vannaz, écrivain manqué, sans doute sa maîtresse. Seules deux invitations viennent égayer son temps quelques jours plus tard. Une pour la fête de Madame Arnoux, l'autre des D'Ambreuses, cette dernière étant bien vite décommandée. La fête se déroule dans la maison de campagne d'Arnaud.